pense que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde a ces douleurs qui ne me touchent plus. Note au solo que je n'ai pas inventé. Tous ces mots que l'on trop fait rimer qui me tuent. Comme autant d'enfants jamais portés. Oh, oh, oh. À nos actes manqués. Trop aimé, visage et dentelle croisés, puis te frôler. Aux trahisons que j'ai pas vraiment regretté, aux vivants qu'il aurait fallu tuer. À tout ce qui nous arrive, enfin, mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Aux peurs impossibles à échanger. Oh, oh, oh, oh. À nos actes manqués. Nos actes manqués. Nos actes manqués. L'humoriste Lee Semoun, avec le talent qu'on lui connaît, fait un peu tout, touche un peu à tout. Il a excellé dans le cinéma, il fait du doublage et il a excellé à la télévision, notamment avec les petites annonces en compagnie de Franck Dubosc. Il a doublé également, fait des voix off pour la publicité et pour les jeux vidéo. Mais comme la chanson est pour lui une passion, en 2003, il nous a gratifié d'un album qui avait pour titre Chanson, dont nous allons écouter un extrait qui s'appelle La Mademoiselle A. En 2007, malgré les mauvaises critiques, il a récidivé avec un album ayant pour titre Sur le fil. Il a vraiment bien fait, Lee Semoun. On l'écoute. Mademoiselle A, dans la boîte.

dépasser les limites aisément, largement. Quand je commence, je finis le travail proprement. Je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en roman. Hey, je ne rêve pas, je sais. Quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Je sais, après, je vais payer. Aussi, il y a parfois dépassé les limites, c'est Mylène Farmer. Sans contrefaçon est un titre qui est sorti le 16 octobre 1987. C'était le premier extrait de son deuxième album qui s'appelait Ainsi sois-je. Dis maman, pourquoi je suis pas un garçon ? We'll be right back.

Yves Dutheil, le retour à présent avec Vivre sans vivre. Il est en duo et vous allez voir que c'est extraordinaire. Une chanson qui n'est pas parmi les plus connues de celle du chanteur. Et c'est bien dommage, nous allons réparer cette erreur. La vie sans toi, le cœur à l'envers, c'est l'eau sans la mer, c'est froid comme l'hiver, c'est long comme la nuit, c'est lourd comme l'ennui. La nuit sans l'aurore, c'est long comme la mort. Mais la vie sans toi, vers qui et vers quoi? Le sol sous mes pas se dérobera. Tout seul sur la terre, le cœur en enfer. Dieu me garde de vivre un seul jour sans toi. Nous allons terminer cette émission, Ma Musique Chante en Français, cette édition de Ma Musique Chante en Français, voilà, avec Michel Delpech, Quand j'étais chanteur. Pour tout vous dire, j'ai eu un temps d'hésitation, parce que le titre est plutôt mal tagué. Je ne vous en dis pas plus, nous ne sommes pas à la télé, nous sommes à la radio. Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des mousses blanches